T'as fait ci, t'as fait ça, tu fais quoi, tu fais ci, petite tour d'horizon. Tu connais personne, tout le monde m'a vu sur cette planète, je porte bien des lunettes. Je suis dans la tour et sans les jumelles, qu'est-ce que je vois au loin. Des personnalités, je rapporte sur la strophe, je cite ces lyriques de fin. Natacha, le chat, Elodie, Bouboule, Chirac, Célia, Damien, Caro, Jean, Jean-Pierre, Nicolas, Florian, Sébastien, Fan, Stéphane, Manu, Youssef, Incroyable, Huc, Angélique, Ludovic, Estelle, David, Lucie, Mélanie, Florent, Louis, Kevin, Virginie, Julien, Axel, Estelle, Bruno, Damien.